Today is 18th of February, year 2015. Practicing Vipassana meditation 1 week. Try our best to research of the true nature. Stay at the present to free from all suffering. That is very important, to control our mind, to get the purifications of mind. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2015. Cela fait presque une semaine que les yogis travaillent. Ils essayent de développer leur pratique de Vipassana. Ils s'efforcent de toujours rester dans l'instant présent, de façon à comprendre les choses. Ils essayent de se purifier l'esprit. C'est très important de se purifier l'esprit. L'esprit est très difficile à purifier parce qu'il y a beaucoup de pollution dans cet esprit. Ce sont des impuretés mentales. Les impuretés mentales les plus basiques sont l'avidité, la colère et l'illusion. Mais en plus de ces trois impuretés de base, il y en a 7 autres. Au total, il y a 10 impuretés. Lobha, l'avidité, dosa, la colère, moha, l'ignorance, mana, l'orgueil, ditti, les vues fausses, tinamida, la somnolence et la torpeur, udacha, kukucha, l'agitation et le remords, et enfin le doute. Ces 10 impuretés, ces 10 pollutions vont constamment envahir l'esprit. Cet esprit est donc très difficile à purifier. Le Bouddha nous dit que le premier bénéfice de la méditation vipassana, c'est la purification des êtres, ce qui veut dire la purification de l'esprit des êtres. On peut se purifier physiquement, on peut se purifier mentalement, mais la purification mentale est plus importante que la purification physique. La purification physique consiste simplement à se doucher régulièrement, nettoyer son environnement, etc. La purification mentale consiste à purifier l'esprit de toutes ces pollutions. La purification de l'esprit est plus difficile, tout simplement parce que ces pollutions, on ne les voit pas toujours. Lorsqu'on pratique la méditation vipassana, on s'efforce de rester toujours dans l'instant présent. On s'efforce de noter à chaque instant tout ce qui se manifeste en soi. C'est de cette façon que progressivement l'esprit va devenir pur. Nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Nous restons dans l'instant présent, en ce sens que nous synchronisons la prise de conscience avec le mouvement. Il est certain qu'au moment précis où nous observons avec cette qualité d'attention, aucune des 10 impuretés ne peut se manifester dans notre esprit. Il n'y a jamais, à ce moment-là, que l'esprit et l'objet. Et cet objet, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, est très neutre, il est sans intérêt particulier. Il ne développe donc ni le désir, ni la colère, ni l'illusion. Au moment précis où l'esprit adhère à l'objet, il expérimente la purification momentanée. Il faut développer cette purification momentanée, essayer de la répéter à chaque instant. Il faut noter sans interruption, chaque fois, à chaque instant, attraper l'objet, l'étiqueter. Il faut essayer de faire cela sans interruption. Si nous réussissons à le faire, ne fût-ce que pendant 10 minutes, l'esprit ne partira pas, il n'y aura pas de pensée, il n'y aura pas d'agitation. L'esprit restera très fermement fixé sur l'objet. Pendant 10 minutes, l'esprit expérimente la purification. Si nous nous efforçons à développer cette purification, l'esprit va s'habituer, il va prendre du rythme, il va rester accordé à l'objet de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. C'est un entraînement. Ce n'est pas facile d'y arriver, surtout pour les débutants. Même les méditants expérimentés qui pratiquent déjà depuis une dizaine d'années vont devoir développer et s'entraîner jusqu'à ce que leur esprit soit purifié. Mais ces méditants seniors ont moins d'agitation et ils y arrivent plus rapidement. Leur esprit reste plus facilement fixé sur l'objet. Ils ont déjà, dans une certaine mesure, la force de l'attention et de la concentration. Cette force de l'attention et de la concentration va avoir pour effet de diminuer les impuretés mentales. Ce méditant pourra ainsi développer plus rapidement la sagesse. Plus il y a de sagesse, moins il y a d'impuretés mentales. Les phénomènes se produisent d'eux-mêmes, ce ne sont jamais que des mécanismes de l'esprit et de la matière. L'esprit observe ce qui se passe sans interférer, il se contente de regarder. Il voit, l'esprit expérimente la vision, il entend, l'esprit expérimente le son, il sent une odeur, l'esprit expérimente cette odeur, il goûte une saveur, l'esprit expérimente la saveur. Il a une sensation physique dans le corps, l'esprit expérimente cette sensation tactile. Mais tant que nous ne serons pas devenus capables d'observer de cette façon, sans interférer, et de voir qu'il n'y a jamais que des mécanismes de l'esprit et de la matière, nous serons dominés par les vues fausses. Nous n'observerons que des concepts. Lorsque la conscience visuelle va apparaître dans l'esprit, nous penserons que c'est nous qui voyons. Lorsque un son va se manifester, nous penserons que c'est nous qui l'entendons, que c'est nous qui sentons, qui goûtons et qui touchons. Cette idée d'un je qui expérimente les choses va constamment faire irruption dans notre esprit. Par contre, si nous comprenons les phénomènes physiques et mentaux tels qu'ils sont réellement, autrement dit, si nous détenons la sagesse, si nous comprenons que ces phénomènes apparaissent tout simplement parce que les causes pour leur apparition sont là, la vision aura lieu et l'idée d'un « je » qui voit n'apparaîtra pas. Ce « je » disparaît, les impuretés mentales n'apparaissent pas parce que ces impuretés mentales s'enracinent toujours dans la croyance en l'ego. L'attachement va progressivement diminuer parce que la sagesse nous fait voir que ce jeu n'existe pas et qu'il n'y a personne qui est là pour y être attaché. La sagesse est donc très importante. Il faut s'efforcer de la développer. Il y a toutes sortes de méditations. Beaucoup de ces méditations mènent à la tranquillité, au calme. Mais si nous voulons développer la sagesse, la compréhension de la nature des phénomènes, la seule méditation qui permette d'y arriver, c'est la méditation de la vision pénétrante, Vipassana, basée sur les quatre établissements de l'attention et les quatre nobles vérités. Ici, nous devons bien comprendre ce que nous faisons. C'est très important. Nous essayons de développer notre esprit, de développer notre attention et notre concentration pour que la véritable nature des phénomènes nous apparaissent clairement, c'est la compréhension. Nous faisons donc une recherche, mais cette recherche ne porte pas sur des objets extérieurs, comme c'est le cas des scientifiques qui étudient les choses à l'extérieur d'eux-mêmes. Ceci amène bien sûr un développement de la technologie. Mais ici, en tant que méditants, nous observons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et tout ceci est très difficile à voir. Il faut que nous disposions de la force de l'esprit, la puissance de l'esprit, pour y arriver. Si nous développons cette énergie mentale, cette puissance mentale, nous réussirons à comprendre par expérience directe. Le développement de l'attention, de la concentration et de la compréhension, c'est précisément la sagesse. et cette sagesse nous sera très utile dans la vie de tous les jours. Pour que nous développions notre pratique, le plus important, c'est l'attention qu'on appelle sati en pali. Je vais vous parler des caractéristiques de sati et des fonctions de sati. Sans sati, il n'est pas possible de comprendre. La première caractéristique de sati, c'est en pali apilapana, ce qui veut dire que cette attention ne flotte pas à la surface des objets. Imaginons qu'il y ait là un plan d'eau sur lequel on a jeté un ballon qui est gonflé. Ce ballon va flotter à la surface de l'eau et il sera poussé par le vent toujours, en restant toujours en surface. Il ne coule pas au fond de l'eau. Apilapana, c'est précisément ne pas flotter à la surface des objets. C'est une attention qui est très ferme, qui s'enfonce dans l'objet, comme la pierre qui, sur ce même plan d'eau, va couler au fond, tout simplement parce qu'elle est lourde. L'attention sati a donc la caractéristique d'être très ferme et d'être fixée sur l'objet. Une deuxième caractéristique de sati, c'est ugahana, ce qui veut dire fermeté. Cette attention est très ferme, très solide, et cette fermeté, cette solidité va amener la confiance. Une attention qui est très ferme va rendre les facteurs mentaux associés très actifs. L'effort va devenir puissant, la concentration va se développer et la confiance va également devenir plus forte. La fonction de sati, c'est asamoha rasa. Samoha veut dire flou, imprécis. Asamoha rasa veut dire clair, non illusionné. Une autre fonction de sati, c'est araka pachupatana, ce qui veut dire que sati prend en charge le corps et l'esprit. Il va les rendre parfaits. Le yogi qui développe donc cette qualité d'attention ne va pas faire d'erreur. Lorsqu'il travaille, il le fait bien et en conséquence, il obtiendra de bons résultats. C'est pourquoi sati veille sur notre vie. C'est précisément la signification de cette expression pali. Tout le monde souhaite obtenir de bons résultats dans la vie. Si on développe cette qualité d'attention, nous serons protégés. Sati va veiller sur notre vie et va éloigner tout danger. Sati, l'attention, est donc très importante. Comment allons-nous faire pour l'obtenir? Quelle est la cause immédiate de l'attention? La cause immédiate de l'attention, c'est une perception très ferme. Ici, nous devons constamment noter les différents objets qui se manifestent à chaque instant. Si nous ne disposons pas de manasikara, l'attention qui va propulser l'esprit vers l'objet, nous ne serons pas attentifs, ce ne sera pas possible d'être attentif. Mais par contre, si nous disposons de ce facteur, manasikara, l'attention va apparaître et elle va prendre conscience de l'objet très clairement. Elle ne flottera pas à la surface de l'objet. Elle va comprendre les phénomènes physiques et matériels, autrement dit, elle va comprendre la réalité de la vie. La cause immédiate de l'attention, c'est donc une perception très ferme. Il ne s'agit pas de simplement noter soulèvement, abaissement, soulèvement, abaissement. Il faut que nous maintenions notre attention fixée sur ce double processus de façon très pénétrante. Il faudra pour y arriver faire preuve d'attention et d'effort. C'est à ce prix seulement que l'objet va devenir très clair. Mais souvent, nos esprits sont agités, ils pensent beaucoup. Et ceci est tout simplement dû au fait que notre attention n'est pas ferme, elle ne s'est pas établie fermement sur l'objet. Si nous voulons éviter cela, nous devrons faire l'effort de noter les objets de façon très claire. Nous nous efforçons ici de développer la sagesse, c'est notre but. Pour l'obtenir, il faut obligatoirement que l'attention soit forte. Je donne souvent et volontiers l'exemple des livres. Bien sûr, on peut voir toute une série de livres d'un seul coup. Mais si on veut lire un de ces livres, il faudra que notre attention soit focalisée sur ce seul et unique livre. Elle doit être entièrement consacrée à ce livre. Donc, si nos esprits sont souvent agités, nous devrons faire un effort tout particulier pour développer l'attention et noter les objets de façon pénétrante. Si nous le faisons, nous pourrons constater que l'esprit qui pense, l'agitation, va disparaître d'elle-même. Si nous lisons un seul de ces livres, les autres disparaissent. Si nous lisons le livre du soulèvement et de l'abaissement, les autres objets disparaissent. Il faut donc faire un effort pour maintenir l'esprit sur l'objet. Ceci va faire disparaître l'agitation et il faut s'entraîner à cela. Parfois, nous oublions d'observer, nous oublions de noter et l'esprit s'envole. Je vous ai souvent expliqué que l'esprit est comme le poisson, qu'on a réussi à sortir de l'eau, mais le poisson aime beaucoup se retrouver dans l'eau pour pouvoir faire ce qu'il veut. L'esprit qui est distrait, qui oublie de noter, est comme ce poisson qui est retourné dans l'eau. Nous devrons donc faire un effort, développer notre attention et notre concentration pour faire surgir la sagesse. Une fois que la sagesse sera développée, sera apparue, les impuretés mentales vont tout naturellement disparaître de l'esprit. La compréhension, c'est donc crucial, c'est très important. C'est facile de comprendre que nous sommes faits d'un corps et d'un esprit. Même un enfant peut comprendre cela. Mais si nous voulons comprendre ces choses de façon pénétrante, en profondeur, il faudra faire un gros effort, car c'est très difficile. Nous devrons disposer de la force, de l'effort, de l'attention et de la concentration. Nous aurons alors la force de la compréhension, plus la force de la compréhension se développe, plus la sagesse se manifeste, et plus la sagesse se manifeste, plus les kilesas disparaissent. C'est la méthode proposée par le Bouddha, c'est le Dhamma du Bouddha. Nous ne pouvons arriver à tout cela, à développer la compréhension, que par Vipassana. C'est un travail formidable qui nous est proposé. Nous devons nous considérer comme très chanceux d'être entrés en contact avec cet enseignement du Bouddha, parce que c'est très rare de se trouver dans les conditions pour cela. Donc ne perdons pas notre temps. Il y a déjà une semaine que nous nous entraînons. Essayons d'évaluer nous-mêmes nos progrès. Voyons, comparons notre esprit au début de la retraite et maintenant. Comprenons qu'il s'agit d'un entraînement. Faites de votre mieux. Le temps est très précieux. Essayez de pratiquer l'attention depuis le matin tôt lorsque vous vous réveillez jusqu'au tard le soir lorsque vous irez vous coucher. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Soyez toujours attentifs. Puissiez-vous tous être capables de prendre soin de votre esprit avec efficacité. Puissiez-vous tous atteindre la purification de l'esprit, le calme, le bonheur et la sagesse. Sadhu, sadhu, sadhu. May you all be able to take care of your mind properly to clear from all this kind of defilement, to get the purification of our mind and get happiness, tranquility, calm, peace, happiness and tranquility, understanding, to get the wisdom. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.